LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Mon petit papa fait des cauchemars. Vous avez un sommeil agité. Mais papa, c'est la pleine nuit. Tu ne dors pas? Vous vous levez régulièrement pour aller aux toilettes. Tu as du mal à dormir? Ou peut-être que tu as envie de faire pipi? Tu as encore fait un cauchemar? Vous êtes irritable. Ah, ce sont toujours ces petits monstres qui te font peur. Vous manquez de concentration et de mémoire. Moi aussi, tu sais, parfois je rêve que des monstres m'embêtent. C'est rien, ça va passer, papa. Le somnambulisme alimentaire qu'on appelle trouble alimentaire du sommeil consiste à se réveiller la nuit et à impérativement devoir aller manger dans un état à la fois de compulsion, il faut y aller, et en même temps de confusion mentale, ce qui peut amener à pas manger les bonnes choses. La première patiente que j'avais vue s'était fait un sandwich avec du tabac dedans, et quand ça s'installe, c'est vraiment très dur à changer. C'est vraiment, c'est toutes les nuits avec des gens qui sont très honteux, qui essayent du coup de moins manger. Drôle de trouble. Oui, tu détends tout ton corps. Moi, ma nuit, c'est pas un bon moment comparé à d'autres personnes qui sont contentes d'aller se coucher. Moi, je suis contente de dormir parce qu'il faut dormir, mais en vrai, je me passerais bien du sommeil, honnêtement. Tu peux bailler si ça vient, comme ça. 1, 2, 3, sommeil. Sommeil. Tu fais le vide dans ta tête. Mal au sommeil. Ouf, tous les soucis de la journée. Jérôme Sandelars. Hop. Agnès Catou. On les chasse. Le sommeil est une période fragile qui permet de repérer certains dysfonctionnements du corps humain. On est à Paris, dans le 17e arrondissement, face au centre médical Veille-Sommeil, où j'ai rendez-vous avec le docteur Blumen, qui est un spécialiste des pathologies du sommeil. Dans l'entrée, il y a des affiches. Et si dormir comme un bébé était à nouveau possible? Marre de ronfler, toujours fatigué, maux de tête au réveil. Vous souffrez peut-être d'apnée du sommeil. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin. Bonjour monsieur, bienvenue au centre médical de sommeil. Je vous en prie. Merci. Asseyez-vous. Alors, qu'est-ce que vous avez? Longtemps, je me suis couché de bonne heure. À peine ma liseuse éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». La nuit, je ronflais, ma femme soufflait, sifflait et souffrait. Et 8 heures plus tard, je me réveillais sans être tout à fait reposé. De fait, à l'époque, je m'endormais partout, sans prévenir, au point que c'était devenu un sujet de raillerie. Sur le canapé, au milieu des copains qui discutent, au cinéma, au théâtre, au travail ou même au volant, ce qui m'a valu quelques frayeurs. En général, je mettais ça sur le compte d'un repas un peu trop copieux, mais ça devenait critique. Jusqu'au jour où, encouragé par un ami, j'ai décidé de consulter. Ce jour-là, j'étais loin d'imaginer que j'allais intégrer la grande famille des mauvais dormeurs, une jungle faite de pathologies aux noms les plus exotiques, narcolepsie, hypersomnie, parasomnie, TCSP, syndrome de Klein-Levin ou des jambes sans repos, et j'en passe. Censé être un délicieux moment d'abandon, le sommeil se révélait un univers bosselé, troué, vérolé, bref, aux antipodes du bonheur imaginé. Docteur Blumen, est-ce que vous pourriez me rappeler dans quelles circonstances je suis venu vous voir en tant que patient il y a tout juste 3 ans, en septembre 2019? Alors, les causes de venue ici étaient multiples. Premièrement, vous ronfliez depuis près de 10 ans et ça gênait un tout petit peu votre conjointe. Deuxièmement, vous aviez des éveils fréquents au cours de la nuit. Troisièmement, vous aviez de la somnolence pendant la journée qui était assez importante et qui pouvait perturber à la fois votre fonctionnement dans la vie de tous les jours, mais aussi vous rendre dangereux sur la route parce que votre score de somnolence était très élevé. Et vous aviez à peu près 2 fois par semaine une insomnie où vous vous réveilliez et vous aviez du mal à vous rendormir. Donc vous aviez des plaintes de sommeil et de sommeil non récupérateur. À la suite de cette consultation, on a réalisé un enregistrement de votre sommeil et de votre respiration pendant le sommeil qui a mis en évidence un syndrome d'apnée du sommeil sévère, puisque votre nombre d'événements respiratoires anormaux qui comprennent les apnées, donc ce sont des arrêts respiratoires, et les hypopnées, qui sont des diminutions de respiration, étaient de 50 par heure, en sachant que la normale c'est 5, et qu'à partir de 30 événements respiratoires anormaux par heure, on est considéré comme ayant un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Alors, compte tenu de la sévérité de votre apnée du sommeil, on a décidé de mettre en place le traitement qui est le plus efficace, c'est-à-dire une machine qui envoie de l'air au travers d'un tuyau et d'un masque qui est posé sur votre nez ou sur votre nez et sur votre bouche, et donc qui va insuffler de l'air à une certaine pression, donc c'est de l'air, pas de l'oxygène, et qui va permettre de élargir le tube de respiration au fond de la gorge et qui permet donc de respirer normalement pendant la nuit. Ça a été pas facile pour moi de trouver le bon ajustement entre les masques. J'en ai testé au moins 4 ou 5 avant de trouver celui qui me convenait à peu près. Et encore, parfois, dans la nuit, il se déplace, donc j'ai des fuites d'air, ça fait pfff, ça réveille ma compagne, elle me met un bon coup de coude, etc. C'est pas évident de trouver le bon ajustement, quoi. Alors, parfois, certains patients vont dire « Ah ben, c'est ma maîtresse ». Et en fait, pour accepter bien le traitement, il faut qu'il y ait une sorte d'harmonie à la fois dans le couple pour que le conjoint comprenne que c'est important pour la santé. Mais c'est vrai que c'est un intrus dans la chambre et il faut pouvoir l'accepter. Il faut dire ce qui est, c'est pas très glamour. Hein. On ressemble plus à Dark Vador qu'à autre chose. Quoi. Alors, quand il s'agit du masque facial, je dirais plus que c'est comme un masque de pilote de chasse. Donc déjà, ah, vous oui, prenez des galons, donc ça c'est plutôt pas mal. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui est plus glamour ? Est-ce que c'est le ronflement ou la machine ? Donc le choix est vite fait. Et c'est là où on va voir que certains patients vont ne pas mettre leur machine tous les jours. Et malheureusement, c'est un traitement qui traite, mais qui ne guérit pas. Donc si vous ne le mettez pas, au bout de quelques jours, vous repartez de zéro. C'est une pathologie qui touche combien de personnes en France ? Alors ça, c'est vraiment très débattu parce que... Pour vous dire exactement combien de gens, alors les chiffres qui circulent, les classiques c'est 2 à 4%, il y en a d'autres qui disent entre 4 et 8, et puis après quand vous enregistrez systématiquement les gens, et peut-être dans une population un peu plus cible, là les chiffres montent énormément. Donc là actuellement, pour avoir un chiffre précis, c'est un tout petit peu compliqué, mais il y a beaucoup de gens qui ont des apnées du sommeil, ça c'est clair et net. Tu te souviens la première fois que j'ai eu mon appareil ? C'est le jour où on a commencé à être à trois. Toi, moi et le masque. T'en penses quoi, toi ? Oh, écoute, c'est pas forcément très fun. Hein. Mmh. T'as pas le choix, c'est pour ta santé, mais c'est quand même pas top. Bon, ma chérie, je vais... Bon, allez, bonne nuit. Remettre mon masque parce que... Vas-y. Il est tard. Métamorphose. Tu veux la muselière ? Décollage imminent. 3, 2, 1. C'est parti. Tu m'entends là quand je parle ? Bah oui, je t'entends, mais heureusement. Un peu étouffé. Le truc qui est pénible, c'est quand tu t'endors et que tu te tournes, ça se dérègle à un moment donné et là, ça se met à faire du bruit, quoi. Ça, ouais. C'est super pénible, parce qu'en fait, ça me réveille. Non, mais c'est pour ça que moi, j'ai tendance à te demander de le mettre vraiment au dernier moment. Ouais. Le truc, c'est que t'as peur de t'endormir sans l'avoir. Ouais. Tu le mets un peu trop tôt, je trouve. Non, mais quand je sens que l'endormissement vient, je le mets, parce que finalement, cet air me berce. Putain, la lumière. Sophie Pandiera, vous êtes doctorante à l'Université Paris 1 et au Centre d'Histoire du 19e siècle, et vous vous êtes intéressée aux normes du sommeil de la fin du 18e au début du 19e siècle. À quel moment les médecins vont identifier les maladies du sommeil qu'on connaît aujourd'hui ? Alors, les maladies du sommeil qu'on connaît aujourd'hui, elles ont été identifiées comme étant des maladies à part entière au cours du 19e siècle. Avant le 19e siècle, les pathologies du sommeil, les dysfonctionnements du sommeil, comme on les percevait alors, pouvaient relever de deux causes différentes. La première, ça pouvait être un problème moral. Si on dormait trop, ça voulait dire qu'on était feignant, qu'on était paresseux. Et si on ne dormait pas assez, au contraire, c'est qu'on avait trop d'inquiétude, de passion, ou alors qu'on se fatiguait trop nerveusement. Ça, c'était la première cause, qui relevait donc de l'hygiène ou de la morale. Et la deuxième, ça pouvait être un symptôme d'une maladie plus grave, d'une maladie plus importante. Et dans ce cas-là, il fallait chercher les autres symptômes pour savoir à quelle maladie on avait affaire. À partir des années 1800, les dysfonctionnements du sommeil vont petit à petit être considérés comme des maladies à part entière, et on va identifier le somnambulisme d'abord, puis l'insomnie, et enfin la narcolepsie, à la fin du 19e siècle, comme les pathologies du sommeil, celles qu'on connaît aujourd'hui. Mais au tournant du 20e siècle, elles vont être à nouveau reléguées au rang de symptômes par les médecins spécialistes des maladies nerveuses, et notamment par le service du docteur Charcot à la Pitié-Salpêtrière, qui vont voir le somnambulisme et la narcolepsie comme des symptômes de l'épilepsie ou de l'hystérie. À ce propos, on pourrait citer cet extrait tiré des leçons du docteur Charcot, intitulé « Attaque de sommeil hystérique » qui date de 1887 ou 1888. « Le jeune seigneur qui s'est mis à la recherche de la belle au bois dormant du conte de fées n'était certainement pas fort instruit en médecine, sans quoi il n'aurait pas couru avec autant d'ardeur à la recherche de la princesse qui était évidemment une hystérique. » Car c'est une grosse affaire qu'une hystérique en ménage. Les hystériques, messieurs, ne dorment pas toujours. On est au quatrième étage du bâtiment Éole, au sein du service de pathologie du sommeil, en compagnie d'Isabelle Arnulf, vous êtes chef de service. Et c'est ici, je crois, que les patients arrivent, c'est ça ? C'est là que les patients arrivent, voilà, les ascenseurs s'ouvrent et on arrive sur une zone partagée en T. Et les patients arrivent à l'accueil, on voit la chapelle de la Salpêtrière derrière, qui est toujours aussi magnifique de cet étage. Et puis, le patient va être accueilli, il va être ensuite emmené dans une salle où on va lui placer des électrodes sur la tête pour dormir et pour enregistrer son sommeil. Alors, on arrive ici sur la droite dans la grande salle de cascage où il y a trois fauteuils partagés. Et puis là, il y a énormément de matériel, d'électrodes, de fils, de différents capteurs. Hein, de toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Il ne faut pas se confondre, effectivement. Et puis, il y a des soufflettes ici pour souffler de l'air au moment où on va coller l'électrode, pour la coller fermement sur la peau et entre les cheveux. C'est ça qui est un petit peu difficile. Hein, tout le monde n'est pas chauve. Il faut que les personnes gardent les capteurs, non seulement pour dormir, mais parfois jusqu'à 48 heures. Donc c'est collé fermement sur la peau. Et ça prend une bonne heure de casquer, comme on dit, hein, de coller tout ça sur la surface de la tête et du visage d'un dormeur. Et parfois aussi sur le torse Sur le torse, on va mettre essentiellement des capteurs respiratoires et cardiaques, des ceintures qui sont plutôt mises au dernier moment parce que c'est assez simple, et puis des électrodes d'électrocardiogramme sur le thorax. Les jambes, on colle des capteurs aussi. Et au bout du doigt, au dernier moment, un capteur d'oxygène qui va mesurer si les personnes font des apnées ou en tout cas perdre de l'oxygène pendant le sommeil. Après, il y a quand même un avantage à cet appareillage. Il n'y a plus de ronflement, ce qui est quand même une sacrée gêne. Parce qu'en fait, quand on dort à deux, au moment de dormir, il y a une espèce de lâcher-prise, d'abandon. Tu sens que ça arrive, c'est comme un train que tu prends. Et tu glisses, tu pars complètement ailleurs et c'est assez délicieux. Moi, j'adore ce moment. Ouais. Mais du coup, quand moi, je sens que ça arrive et que je suis en train de partir, et toi, à côté, t'es hyper agité. Ouais. Et tu te mets à bouger la jambe, là, comme un dératé. Le syndrome des jambes agitées, là. Du coup, ça me fait sursauter. Et c'est hyper violent. Ouais. Tu sens que tu vas rater le train et quelquefois, bah, il faut attendre après super longtemps avant de repartir, quoi. C'est fou. Ça, c'est super pénible. Je sais pas, il faudrait en parler au médecin, peut-être, pour voir s'il y a quelque chose à faire. Je vais en parler à l'équipe du professeur Arnulf. Vous traitez quelle forme de pathologie ici au service de la Pitié-Salpêtrière, docteur Arnoux ? À la Pitié-Salpêtrière, on a une orientation neurologique et respiratoire essentiellement. En respiratoire, évidemment, les apnées du sommeil, mais ça, absolument tous les labos de sommeil le font, c'est la pathologie la plus courante en laboratoire de sommeil. Mais du coup, on s'occupe aussi du respiratoire pour des maladies plus graves que les apnées, comme les myopathies, les scléroses latérales amyotrophiques et tout ce qui va rendre la respiration difficile pendant le sommeil. Il faut savoir que la respiration, c'est quand même la fonction la plus fragile pendant le sommeil. Le cœur bat très bien, il n'a pas de soucis pendant la nuit, mais la respiration, elle est soumise à la fois à la pesanteur. Quand vous vous allongez sur le dos, vous avez tendance à fermer plus vos voies aériennes supérieures, donc à ronfler plus. Et puis le diaphragme qui nous aide à respirer et qui est aidé d'autres muscles dans la journée, il se retrouve tout seul pendant le sommeil. Et du coup, s'il est un peu faible, pour X raisons, cette faiblesse va se démasquer pendant le sommeil. Et donc il faut la repérer, c'est quelque chose qu'on ne verra pas en éveil. Et donc le sommeil est une période fragile qui permet de repérer certains dysfonctionnements du corps humain. Et puis la deuxième grosse partie, la deuxième jambe du service, c'est les troubles neurologiques du sommeil, qui comportent en premier les gens qui dorment trop, hypersomnie, narcolepsie, les hypersomnies rares, syndrome de Klein-Levin, où c'est des jeunes qui dorment une semaine continue et puis se réveillent un mois puis recommencent. Donc une maladie neurologique rare, mais dont on suit 300 cas. Et puis les violences nocturnes, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont tomber du lit, risquer de passer par la fenêtre, parce qu'elles extériorisent une partie de leurs rêves la nuit, que ce soit dans le sommeil lent, on connaît tous les somnambules, les terreurs nocturnes, les sexomnies, donc comportements sexuels involontaires nocturnes, qui viennent surtout nous voir adressés par les juges, puisque c'est des accusations de viol. Et donc on est chargé de voir si c'est vrai ou pas. C'est-à-dire quand un des conjoints a un comportement sexuel dans son sommeil, c'est ça ? Eh bien, agresser son... ou pas ? Oui, agresser la personne qui est dans son lit, qui peut être n'importe qui, donc ça peut être vite grave, vous imaginez. Et c'est pas si rare que ce qu'on pensait. Et donc c'est aussi une fausse défense judiciaire, donc il y a besoin de prouver que c'est vrai ou pas. Et pour ça, bah, nos capteurs et ce qui se passe la nuit va nous aider. Ah, donc il y a un aspect médico-légal qui est assez délicat. Oui, toujours sur les violences nocturnes, toujours. Et le deuxième cas de violences nocturnes, c'est les personnes de plus de 60 ans qui se commencent à extérioriser leurs rêves de bagarre et qui cognent dans le lit, qui tombent du lit. Et eux sont à fort risque de maladie de Parkinson ou l'ont déjà. Et là, on a un rôle effectivement de diagnostic et d'empêcher ces comportements et puis de les suivre aussi sur des années pour être sûr qu'ils ne développent pas ou qu'ils développent ces maladies. Et puis enfin, il y a le syndrome des jambes sans repos qui est très courant dans la population. C'est ces personnes qui ont du mal à s'endormir parce qu'elles veulent dormir, mais leurs jambes ont un besoin impératif de bouger. Elles prennent le frais, elles sortent les jambes du drap, elles ont besoin de bouger, de marcher, de se lever, de se recoucher. Et ça, il y a rarement besoin d'enregistrement puisque les gens sont réveillés quand ils ont ça et vous le décrivent très bien. Mais dans des cas difficiles, qu'on a du mal à traiter ou on n'est pas trop sûr du diagnostic, là, on prend les personnes en laboratoire de sommeil pour observer si elles bougent beaucoup dans leur sommeil et avant de dormir, si elles bougent beaucoup. Et évidemment, quelques insomniaques sont suivis dans le service, mais ce n'est pas notre thématique principale, dans la mesure où voilà, c'est 30% de la population, où les enregistrements de sommeil sont peu contributifs dans l'insomnie. L'insomnie, c'est un ressenti. J'ai du mal à m'endormir, je me réveille souvent la nuit ou je me réveille trop tôt et je ne fonctionne pas bien dans la journée. Et ce ressenti ne dépend pas d'une quantité de sommeil particulière. Ça amène peu de choses, sauf à dire aux personnes, vous inquiétez pas, vous dormez plus que ce que vous pensez. Donc, un petit côté rassurant de l'examen, mais il est peu contributif sur le plan diagnostique. Du coup, le choix de la Pitié-Salpêtrière, qui est quand même un gros hôpital très neurologique, avec des maladies graves, c'est plutôt que le service de sommeil serve à ces pathologies graves. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, l'insomnie, ça peut être vraiment très très pénible, mais c'est un domaine où l'hospitalisation sert peu, finalement. Donc, voilà. Là, on voit inscrit sur le mur, hôpital de jour, Jean-Baptiste Gélinot. Jean-Baptiste Gélinot était au 19e siècle à la Salpêtrière, c'était un neurologue, et il allait manger à midi en face au jardin des plantes, et il y avait un homme devant la cage des singes, enfin vous voyez cette grande cage des singes qu'il y a à la ménagerie du jardin des plantes, tout le monde rigolait devant les singes. Et il y avait un homme qui, quand il rigolait, s'effondrait, tombait à chaque fois. Et donc il l'a étudié, il lui a proposé de venir à la salpêtrière. Et cet homme s'endormait à tout bout de champ, et quand il riait, il tombait. Et il a donc décrit qu'il était saisi par le sommeil, en grec narcolepsie, je suis saisi par le sommeil. Et donc c'est le premier découvreur de la narcolepsie, cette maladie où les gens s'endorment à tout bout de champ d'un côté, et d'un autre côté tombent quand ils rigolent, avec une exacerbation de l'écroulement au rire. On l'a longtemps appelé la maladie Gélinot ou syndrome de Gélinot, jusqu'à ce qu'on appelle maintenant la narcolepsie de type 1 et type 2. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'article qu'il publie en 1880 pour nommer la narcolepsie, Sophie Pandira, Gélinot remarque qu'il n'est pas le premier à décrire les symptômes de cette maladie. En faisant ses recherches, il a retrouvé des observations des années 1860 où les médecins pensent avoir identifié une forme européenne de la maladie du sommeil qu'on découvre au même moment dans les colonies africaines. On sait aujourd'hui que cette maladie du sommeil, qu'on appelle aussi trypanosomiase, est transmise par la mouche tsetse. Mais même sans ces connaissances, l'hypothèse d'une maladie du sommeil chez les Européens est rapidement rejetée à cause des préjugés racistes des médecins du XIXe siècle. À l'époque, ils pensent que si elle touche principalement les Africains, c'est parce qu'il s'agit d'une race fainéante, indolente et stupide, et qu'à force d'être paresseux, ils ont pris l'habitude de s'endormir tout le temps et n'importe quand. Mais comme le remarque Gélinot, la maladie du sommeil est surtout fatale, ce qui n'est pas le cas de la narcolepsie. Solène, vous avez 26 ans et vous avez été récemment diagnostiquée narcoleptique. Ça a commencé comment tout ça ? Je pense que ça a commencé au lycée, en première. Donc je dormais très bien la nuit à cette époque-là. Je faisais des nuits complètes et je m'endormais toute la journée en cours, à toutes les heures. Je dormais tout le temps en fait, la nuit, le jour. Et à l'époque, je ne savais pas si c'était l'ennui des cours ou si j'aimais juste énormément dormir. À ce moment-là, je ne me posais pas la question. Je n'étais pas une élève très studieuse et si j'avais envie de dormir en cours, je me le permettais. Et au cours de cette année, j'ai commencé à consommer du cannabis. Et donc, ça peut endormir aussi. Donc, je me disais que si j'étais tout le temps fatiguée ou que si je dormais, c'est parce que, voilà, je fumais. Mais Et puis, j'ai arrêté de consommer du cannabis et j'étais toujours autant fatiguée. Et j'avais toujours des phases d'endormissement. Donc, je me suis dit peut-être qu'au final, c'était pas que ça et qu'il y a vraiment quelque chose en plus. Augustin Chen, vous avez 24 ans, là on vous retrouve juste après vos cours au Collège de France à Paris. Vous êtes étudiant en biologie évolutive. C'est bien ça. Vous êtes narcoleptique. Oui. Et comment ça s'est manifesté au départ dans votre quotidien ? Les symptômes de la narcolepsie, elles se sont manifestés à l'école élémentaire. Je me souviens être en classe en CM2 et que je commençais à m'endormir pendant les cours de maths. C'était un cours que j'appréciais beaucoup. Et en fait, ça m'avait surpris, le fait que je m'endorme en écoutant. Donc, c'est ça les premiers symptômes. Et en fait, ça persistait les années après, tout le long du collège. Je m'endormais à presque tous les cours, au moins 10-15 minutes par cours. Et ce que j'ai remarqué assez rapidement, c'est qu'en m'endormant, je commençais à rêver du cours même. C'était très difficile pour moi de distinguer, en fait, lorsque j'étais éveillé ou endormi, je ne voyais pas la transition, à part au moment où je me réveille. C'était assez perturbant. Et il m'arrive aussi, dans les transports, de m'endormir en attendant le bus ou le train et de rater mon arrêt. Donc, pour ça, en fait, je mets toujours un réveil, que ce soit pour la période d'attente ou pour que ça sonne juste avant que je sorte du train ou du bus. Alors, l'impact est le plus fort lorsque je m'endors dans des moments actifs. Par exemple, il m'arrive de m'endormir en marchant ou même à vélo. Et dans ce cas-là, il faut faire très attention. Il faut vraiment que j'anticipe ces périodes de sommeil dans le quotidien. Et vous étiez plutôt un adolescent couche-tard ou... Alors oui, effectivement, à cette époque-là, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. J'avais un hygiène de sommeil très mauvais. Je me couchais tard. Et c'est ça qui fait qu'en fait, je ne me suis pas tellement posé de questions par rapport à ces endormissements. Je me disais que c'était tout simplement le résultat de cette mauvaise hygiène de sommeil. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas allé voir un médecin ? Je suis allé voir un médecin lorsque j'ai dû entrer au lycée. Et en fait, j'ai eu la chance que mon médecin connaisse la maladie. Tout de suite, m'a envoyé vers le service du sommeil chez Isabelle Arnulf à la Pitié-Salpêtrière. Alors sur place, on m'a fait plusieurs tests de sommeil. Il s'agissait de faire, il me semble, 5 siestes. Il mesurait par exemple le temps que je prenais pour m'endormir et dans quelle phase de sommeil est-ce que j'entrais en m'endormant. Donc je m'endormais très rapidement et je rentrais tout de suite en REM, Rapid Eye Movement. Donc c'est une phase du sommeil qui est caractérisée par des mouvements rapides des yeux et qui est particulièrement riche en rêves. Donc ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal. C'était une caractéristique de la maladie de la narcolepsie. Depuis que vous êtes pris en charge par le service de pathologie du sommeil, donc dirigé par le docteur Arnulf, qu'est-ce qu'on vous a proposé comme traitement ? J'ai eu qu'un seul traitement qui dure jusqu'à maintenant. C'est du modalfinil pour me maintenir éveillé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous ne prenez pas ce traitement, vous pourriez la piquer du nez pendant notre interview ? Ah oui, je me vois très bien piquer du nez toute la journée, je pense. Solène, vous faites quoi dans la vie ? Alors, je suis dans une école de danse, comédie musicale. C'est une école très intensive. Je fais à peu près 6 ou 7 heures de sport par jour. Ce qui est bien avec cette école, c'est que le fait que je sois toujours en mouvement, ça m'empêche de m'endormir beaucoup plus rapidement. Avant que je commence un traitement, il m'arrivait souvent de quand même avoir des phases de somnolence pendant les cours de danse. Ça dure 10 minutes en général où je suis debout et je suis là physiquement, mais dans mon cerveau, on va dire, c'est éteint. Vos amis, vos proches, comment ils réagissent ? Alors, cet été, j'ai 2 amis étrangers qui sont venus avec moi en France et donc on a visité Paris plusieurs fois et je m'endormais partout. À chaque fois qu'on était dans le transport, donc ils s'amusaient à faire des albums en m'appelant la belle au bois dormant 1, 2, 3, dans toutes les positions dans lesquelles je pouvais dormir dans le métro. Moi, je me sens toujours très mal par rapport à eux dans ce genre de situation parce que c'est quand même assez pesant, je pense, pour les gens autour de moi. Pareil, c'est vrai que quand je rentre le soir avec mon compagnon, c'est un peu dur parce que j'ai besoin de m'endormir après une journée de travail. On dîne et puis après, je me rendors très rapidement. Donc parfois, on a l'impression un peu de louper beaucoup de choses. On ne peut pas regarder une série ensemble, par exemple, parce que je m'endors tout le temps au bout de 10 minutes du début de l'épisode. Donc c'est vrai que j'ai l'impression de louper des moments de partage, peut-être, parce que j'ai besoin de relancer mon cerveau. Depuis que vous prenez ce traitement médicamenteux, vous avez l'impression de revivre ? Je dirais oui, mais je m'en suis vraiment rendu compte le jour où, après une semaine de traitement, j'ai décidé de ne pas en prendre. J'aime pas trop prendre énormément de médicaments, même les ingérer, c'est assez compliqué. Donc le dimanche, je savais que j'avais rien à faire et je me suis dit bon bah ça sert à rien que je prenne les médicaments. Et là, j'ai ressenti la fatigue que je ressentais avant les médicaments. C'est simple, ce jour-là, je n'ai pas quitté le lit de la journée. J'ai dormi toute la journée et j'ai très bien dormi la nuit. Et j'avais oublié à quel point j'étais tout le temps comme ça avant. Et c'est vrai que là, avec les médicaments, je peux faire toutes mes matinées sans être fatiguée. Je peux même faire les après-midi sans être fatiguée, à part si je me retrouve dans une position assise. Là, je m'endors très rapidement, mais tant que je reste debout, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et c'est très épanouissant de pouvoir vivre comme ça. Ça va, vous tenez le coup, là ? Oui. Oui, parce que j'ai eu ma phase d'endormissement avant que vous arriviez. Après ça, je peux tenir une heure et demie. Et j'ai quand même les médicaments, donc il n'y a pas de souci, là. Professeur Isabelle Arnulf. L'épilepsie se traite d'abord en respectant un peu plus le rythme interne qui est celui de chat. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont dormir par petits bouts la nuit et le jour, comme les chats qui dorment sur 24 heures. Et donc il faut essayer de conserver ça et de pas trop s'opposer à ce rythme naturel, en particulier en gardant absolument une sieste dans la journée. C'est difficile de lutter contre le sommeil quand on est narcoleptique, donc quand le sommeil arrive, il faut mieux pas lutter parce que il gagne toujours. C'est différent de nous quand on a un petit coup de mou, on peut se secouer un peu et puis voilà, on se réveille. Eux, c'est du sommeil paradoxal qui arrive, ils peuvent pas lutter contre, il est en train vraiment de les prendre, de les engluer et ils vont finir par s'endormir. moyennant quoi, c'est pas toujours compatible avec une vie professionnelle, avec la conduite automobile, et on est obligé de leur proposer des médicaments qui vont les aider à tenir plus réveillés. Et c'est dans la narcolepsie qu'il y a eu le plus de développement de produits stimulant l'éveil, qui étaient au début des amphétamines, et puis ensuite, avec un certain affinage des circuits cérébraux, le modafinil, qui est un des premiers éveillants non amphétaminiques qui a été découvert, puis la voie de l'histamine, qui est une voie d'éveil, le pitolisant, puis le GHB nocturne, qui permet de consolider leur sommeil, d'économiser la dopamine et de le rendre plus réveillé dans la journée. Et puis, ça ne traite pas la cause exacte. La cause, c'est un déficit dans un autre circuit d'éveil qu'on appelle l'hypocrétine. Ce circuit est identifié depuis l'année 2000 par Emmanuel Mignot, qui a eu plusieurs prix, dont un prix récent pour cette découverte. Et depuis 3-4 ans, l'industrie pharmaceutique arrive à nous fabriquer des médicaments qui miment l'effet de l'hypocrétine. Ils sont donc en développement, dans les phases précoces de développement, et les premiers résultats sont fabuleux. C'est-à-dire qu'on a des gens parfaitement réveillés qui disent « la maladie a disparu » en prenant un comprimé le matin. Donc on a beaucoup, beaucoup d'espoir que finalement, dans les années qui viennent, ça soit fini la problématique du narcoleptique qui est éveillé à 50% en lui mettant les plus hautes doses des produits qu'on a actuellement. Donc un grand espoir qui arrive là dans la maladie. Te dis c'est important, j'ai quelque chose à te confier. Tu débarques sur le champ, elle roupille à point fermé. S'agit pas d'être susceptible quand un tel comportement. Ou penser je suis pénible, cette fille s'endort en m'écoutant. C'est comme ça quand on a une copine narcoleptique. Et nous voilà de retour au centre médical Veille-Sommeil, au cabinet du docteur Blumen. Et dans la salle d'attente, il y a une autre affiche sur laquelle on peut lire « Vous ronflez, vous êtes somnolent ou fatigué pendant la journée, vous souffrez peut-être du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. » Et ensuite, il y a toute une liste de signes du syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui sont visibles quotidiennement, alors... Le ronflement, votre conjoint a remarqué que vous arrêtez de respirer, vous vous réveillez brusquement par manque d'air, vous avez un sommeil agité, vous vous levez régulièrement pour aller aux toilettes, vous vous endormez très facilement, vous êtes irritable, vous manquez de concentration et de mémoire, vous somnolez, vous vous réveillez avec des maux de tête. J'ai l'impression de remplir toutes les cases. Docteur Blumen, est-ce qu'on pourrait... définir un profil type de personnes qui sont sujettes aux apnées du sommeil? Alors, pour répondre indirectement à la question, quelle est votre taille, quel est votre poids? 1m74 pour 67 kg. Donc on ne peut pas dire que vous êtes en surpoids? Non. Donc le profil type, il y a quelques années, c'était la personne qui est de sexe masculin, qui est en très net surpoids, qui ronfle et qui s'endort de partout. Mais avec la personnalisation de la médecine, la connaissance notamment en matière d'apnée du sommeil, on a déterminé pas une seule catégorie, donc le mâle, gros, 60 ans, qui fume, mais plusieurs catégories. Donc là, il y a une étude récente qui a montré qu'il y avait, je crois que c'est 6 catégories, avec à chaque fois des morphotypes différents, donc la façon dont vous vous présentez, gros, pas gros... la mâchoire en arrière, pas en arrière, l'âge, la symptomatologie. Par exemple, entre un homme et une femme, la symptomatologie exprimée ne sera pas la même. Et la femme va peut-être plus exprimer de la fatigue, alors que l'homme, ça sera peut-être plus de la somnolence. Est-ce que c'est une maladie, on peut parler de maladie, qui peut toucher aussi les enfants? Alors, en fait, quand vous avez vos deux parents qui ont des apnées du sommeil, vous, potentiellement, vous pouvez avoir des apnées. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est que si vous, on vous retrouve des apnées du sommeil, à ce moment-là, vos enfants, il faudra quand même vérifier s'ils dorment bien. Parce que ce qui est très important, c'est que pour les enfants, on peut intercepter le problème. Et pour mon fils de 9 ans et demi, il est trop tard ou on peut encourager? Non, au contraire, c'est très bien. Donc ça, il faut vérifier comment est-ce qu'il dort. Est-ce qu'il dort la tête en extension, la bouche ouverte? Est-ce qu'il fait du bruit? Pas forcément du ronflement, parce que le bruit respiratoire chez les enfants est un équivalent du ronflement. Est-ce qu'il s'arrête de respirer? Est-ce qu'il transpire la nuit? Est-ce que il se lève pour aller faire pipi? Est-ce que par hasard il n'a pas eu une énurésie secondaire, c'est-à-dire qu'il a refait pipi alors qu'il était propre? Est-ce qu'il s'endort très rapidement dans la voiture? Donc tous ces signes doivent alerter. Et si ces signes sont présents, vous pouvez aller voir un ORL pédiatre pour voir s'il a des grosses amygdales, des grosses végétations, comment il respire par le nez, est-ce qu'il a des allergies. Il faut les traiter. Et puis ensuite, une fois traité, c'est d'aller voir l'orthodontiste pour qu'il puisse agrandir les mâchoires pour donner toute la place aux différents éléments, notamment la langue dans la bouche, pour qu'il ait assez de place pour respirer le jour et la nuit. Ça me change la vie, cet appareil, même si c'est pas très sexy. C'est sûr que... Avant, tu t'endormais tout le temps. Je m'endormais au boulot, je m'endormais au volant, je m'endormais en métro. Parce que t'en as épuisé combien, des masques? Après maintenant ça qui est mon sixième. Le mannequin de l'année, des masques d'apnée. Ils m'ont dit si celui-là ça va pas, on peut plus rien pour vous. Bah disons que j'ai un sommeil plus réparateur qu'avant quand même. Moi quand même je suis plus reposé. Je m'appelle Camille, j'ai 26 ans. Et je suis somnambule depuis mes 6-7 ans et c'est quelque chose qui a évolué avec le temps puisque vers mes 16-17 ans, en fait, ça s'est transformé en une forme de terreur nocturne, voire même des hallucinations. En fait, il m'arrivait la nuit de faire des cauchemars éveillés, c'est-à-dire que je m'endors et il n'y a pas forcément de transition. Il y a un moment, je suis éveillée, je suis consciente. Et je vois un cauchemar, donc souvent c'était des personnes décédées, vraiment l'image peut-être même type du film d'horreur où il y a une personne qui vient sur mon lit, une personne cachée derrière la porte, etc. Enfin, que des images très sympathiques. Et moi, bah, j'agis en fonction, comme si ça arrivait dans la vraie vie. Du coup, souvent c'est la panique, et en fait petit à petit c'est comme si mon cerveau s'allumait, et là je me rends compte bah, que... Le mirage disparaît, l'hallucination disparaît, et là je me dis mince, je suis debout toute seule dans ma chambre. J'ai dû crier, et en fait il ne s'est rien passé. Enfin, dans la réalité, ça n'est pas arrivé. Et c'était assez dur parce que moi j'avais l'impression que je devenais folle, vraiment, parce que bah, personne n'en parlait autour de moi, j'avais jamais rien entendu à la radio, la télévision, sur ça. Et c'est vrai que c'est très pesant, j'ai des amis qui m'ont même dit en rigolant, même des fois en ne rigolant pas, « Ah, mais je veux pas dormir avec toi, tu vas peut-être me tuer cette nuit. » Non, dans la réalité, ce qui se passe, c'est qu'au milieu de la nuit, bah oui, je vais me lever, peut-être crier. Le pire qui peut arriver, c'est réveiller la personne. Et après, souvent, la personne va voir que je réalise que je m'allume, comme ça, je fais « Ah !» Sophie Pandiera, doctorante en histoire et spécialiste du sommeil au 19e siècle. Le somnambulisme est connu depuis l'Antiquité. Mais au cours du XVIIIe siècle, il va de plus en plus attirer l'attention par son côté extraordinaire. Et on prête aux somnambules progressivement des dons de médium et de clairvoyance. C'est donc dans un souci de rationalisation que les médecins s'intéressent au somnambulisme pour montrer qu'il n'a rien d'extraordinaire, que c'est un phénomène du corps humain normal, et donc ils vont essayer de l'expliquer pour bien montrer que ça n'a rien de paranormal. Il y a deux systèmes d'explication qui vont alors s'affronter. D'un côté, les physiologistes qui voient le somnambulisme comme une forme de sommeil incomplet. C'est un homme qui dort, un homme qui rêve, mais les fonctions de locomotion ne sont pas endormies comme elles devraient l'être. Ça, c'est les physiologistes. Et de l'autre côté, il y a les pathologistes qui, eux, voient ça comme une maladie qui serait causée par une lésion d'une fonction cérébrale. Alors, ils se révèlent un petit peu impuissants quand même face à cette maladie. Il y en a beaucoup qui se résignent à juste préconiser le fait qu'on enferme bien le somnambule pour qu'il saute pas par la fenêtre, pour qu'il se fasse pas mal. Il y en a d'autres qui vont un petit peu plus loin en disant surtout qu'il faut pas faire ce qu'on avait l'air de faire jusque-là, c'est-à-dire de réveiller le somnambule d'une manière brutale, en l'aspergeant d'eau froide, en lui donnant des coups de fouet. L'idée jusque-là, c'était que si on donnait une impression assez forte, on allait arrêter la maladie somnambulique. Et si c'est une lésion, comme les pathologistes le pensent à partir du 19e siècle, d'une fonction cérébrale, ça pourrait au contraire aggraver la maladie. Donc ils disent ce qu'il ne faut pas faire, par contre ils n'arrivent pas à proposer eux-mêmes de moyens efficaces pour guérir la maladie. Marie-Amélie Dalloz, vous êtes neurologue, spécialiste du sommeil, à la Pitié-Salpêtrière et au CMVS, donc le Centre Médical de Veille et du Sommeil, où on se retrouve aujourd'hui. Vous vous êtes intéressée à la représentation du somnambulisme au cinéma. C'est parti d'une idée de s'intéresser au lien entre sommeil et cinéma, mais finalement je me suis focalisée avec l'aide du professeur Arnulf sur la représentation des somnambules au cinéma. Et donc j'ai sélectionné plus de 150 films pour finalement en retenir 100, 80 films et 20 dessins animés où il y avait des scènes de somnambulisme, voire même où le somnambulisme était le thème principal du film. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait deux pics de production au tout début du cinéma, dans les années 10-20, et ensuite plus récemment, depuis les années 2010. Et au début du siècle, ça faisait plutôt rire. Le somnambule était un peu un protagoniste tout trouvé pour le cinéma muet burlesque, un peu distrait, qui va tomber, faire des bêtises, et dont on peut se moquer. Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas. Une femme nue dans mon lit ? Mais ne touchez pas, ne touchez pas ! Mais c'est pas possible, voyons ! Alors c'est fini cette petite comédie tous les deux, oui ? Oh, moi, je te jure, mon chéri, je connais pas ce monsieur. Oui, mon chéri, monsieur, moi, je ne connais pas cette dame. Attends, votre... Monsieur, je suis aussi surpris que vous. Je préfère vous dire la vérité. Je suis somnambule. Ah, vous êtes somnambule. Oui, je suis somnambule. Il y a un exemple, dans les années 50, il y a ce film qui s'appelle Boniface somnambule, où Fernandel joue le personnage de Boniface, qui va se retrouver à cambrioler une bijouterie. Et donc, pendant tous les épisodes de somnambulisme, il marche avec les bras bien tendus devant, les yeux grands ouverts, un visage figé, une démarche qui peut être un peu comme un robot. Il finit par se marier, avoir des enfants, on le retrouve toute la petite famille qui marche comme des somnambules. J'ai sans doute dû arriver par la fenêtre. Bien, bien, par la fenêtre. Oui. Alors sortez par où vous êtes venu. Par où je suis venu? Vous êtes fou, c'est pas possible. Je suis réveillé maintenant, je ne suis plus somnambule. Vous êtes somnambule quand ça vous arrange, et quand ça vous arrange plus, vous ne l'êtes pas. Sortez, chef. Et à partir des années 60, le somnambule a pris plus une dimension d'inquiétante étrangeté, voire même de dangerosité, avec une place prépondérante dans le cinéma d'horreur, où finalement, le plus souvent, c'est plus que du somnambulisme, c'est souvent quand même plutôt une possession qui mime le somnambulisme. Je peux dormir dans la chambre de papa et maman, tu sais. Oh bah non ! Bah non, tu prends le lit, je prends le matelas, on fait comme au bon vieux temps. Ouais, enfin, à l'époque, on avait des lits superposés, hein. Et d'ailleurs, je me souviens, t'arrêtais pas de me foutre des coups de pied dans le matelas, ça me faisait tellement chier. Oui, parce que tu ronflais. Ouais. Je pense à une jeune femme dans le film Somnambule de Timothée Hochet, qui fait des épisodes de somnambulisme la nuit. Sa sœur en est le témoin. Et ça se finit par une scène assez violente avec un meurtre. Donc plutôt dans un registre bien plus négatif de thriller, voire de film d'horreur. Lucie ! Laisse-moi voir pourquoi tu le caches. Est-ce qu'on observe une différence finalement entre la manière dont les hommes et les femmes sont représentés au cinéma quand il s'agit de somnambules ? Alors dans la vraie vie, il y a autant de somnambules hommes que de femmes, et au cinéma, étonnamment, on trouve beaucoup plus de femmes, avec un ratio de 8 femmes pour 2 hommes. Et les femmes sont quand même le plus souvent représentées avec une chemise de nuit blanche, transparente, voire même assez dénudée, ou même dans deux films, elles sont nues. Voilà, donc avec un corps un peu érotisé, ou alors pour montrer des femmes fragiles, qui peut ressembler à l'esthétique qu'on retrouvait chez les hystériques de Charcot. Ça va. T'es qu'un con, Simon. Et c'est toujours menaçant. Oui. Toujours négatif. Camille, somnambule. C'est toujours quelqu'un qui me veut du mal, quelque chose qui s'écroule. Moi, ma nuit, c'est pas un bon moment majoritairement comparé à d'autres personnes qui sont contentes d'aller se coucher. Moi, je suis contente de dormir parce qu'il faut dormir, mais en vrai, je me passerais bien du sommeil, honnêtement. Dans votre vie intime ou au travail, est-ce que ça a des incidences ou... Ça va parce que j'ai vraiment pas besoin de beaucoup de sommeil. Je peux dormir 4 heures par nuit et être totalement au top le reste de la journée. C'est plus au niveau personnel, c'est quand je dors avec quelqu'un. Là, oui, bah, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas forcément envie de dire. C'est un peu honteux. Ouais, c'est vraiment une honte pour moi. Comment on pourrait définir le somnambulisme, docteur Arnulf ? Le somnambulisme, c'est un réveil partiel dans la phase de sommeil profond. Donc en début de nuit, le cerveau est dans un état hybride où il est à la fois réveillé, ce qui permet aux personnes d'ouvrir les yeux, de se lever, de parler, donc un éveil apparent. Et en même temps, certaines zones du cerveau restent endormies, en particulier les régions frontales, en avant du cerveau. Donc il est dans un état où il voit à la fois sa chambre et il voit en même temps ses images de rêve. Il y a un incendie, il y a une inondation dans la chambre, et donc vous allez voir le somnambule se lever et puis mettre des torchons sous la porte pour empêcher l'eau d'entrer. Et ça on sait bien décrire l'état de somnambulisme. Certains ont simplement des terreurs nocturnes, c'est-à-dire qu'ils se lèvent pas forcément du lit, mais ils voient quelque chose d'extrêmement inquiétant, le plafond qui s'écroule, ou ils sont enterrés vivants, et ils poussent un grand cri à ce moment-là. Certains vont fuir du lit pour échapper à une mort certaine. D'autres vont simplement parler, s'asseoir sur le lit, avoir l'air un petit peu confus. Et le conjoint peut d'ailleurs les interroger. On a toute une partie de nos recherches sur les capacités de communication d'un somnambule. Après, pourquoi ils font ça? Ça, on le sait moins. On sait que c'est des personnes génétiquement vulnérables au somnambulisme, ça court dans les familles, soit somnambule, soit terreur, soit des gros parleurs nocturnes, hein, c'est souvent des familles où il y a tout ça. Les enfants sont plus exposés, hein, 17% des enfants peuvent faire du somnambulisme, ça décroît vers l'adolescence et ça peut réapparaître à l'âge adulte quand ils sont jeunes parents ou quand il y a un peu de stress ou les premiers jobs où il faut se lever tôt, le manque de sommeil, le stress favorise ces réveils partiels dans la phase de sommeil profond. Et comment vous luttez alors contre ces phases de somnambulisme? Il y a des traitements? Oui, il y a des approches non médicamenteuses qu'on essaye toujours. Il faut que les gens dorment plus, éventuellement fassent une sieste, réduisent leur niveau de stress dans la journée. Alors c'est pas tous des grands anxieux, c'est souvent d'ailleurs pas des anxieux, mais tout ce qui est relaxation va aider. L'hypnose peut aider, on va essayer de les programmer en hypnose à savoir qu'ils sont dans leur chambre, qu'ils retournent dans leur lit, qu'ils retournent vers le sommeil comme s'ils descendaient un escalier. Enfin, on utilise un certain nombre de suggestions qui vont être mémorisées pendant le sommeil et aider à ne pas se réveiller. Et puis, sur les phases un peu difficiles où les gens qui se mettent vraiment en danger, une fois la prévention c'est des volets, c'est pas dormir en lit superposé, etc. Quoi, tout ce qui va éviter les blessures, on peut être amené à leur donner des produits qui vont empêcher les réveils nocturnes. Et on en a identifié 3 qu'on utilise couramment dans le somnambulisme en fonction de la sévérité. Ton réveil, s'il te plaît. S'il te plaît. Quelle heure, là ? Quelle heure, à peu près ? Enlève ton masque, je comprends pas ce que tu dis. J'ai fait combien d'années cette nuit ? J'ai rêvé que j'étais Tom Cruise dans Top Gun. Il a pris cher Tom Cruise. Hein? Quoi? Il a pris cher Tom Cruise. 2,5 apnées là, par heure. C'est pas mal. Au lieu de 50, c'est bien. Oh là. Moi, ça m'a... Je suis beaucoup plus reposé, quoi. Voilà, si c'est toi, t'es plus reposé. Moi, je le suis un petit peu moins. La belle au bois dormant, elle a pris cher aussi. Je suis arrivé ici au centre de veille et du sommeil. Il y a quelques affiches comme ça qui sont au mur. Et j'ai vu qu'il pouvait y avoir des conséquences assez graves sur notre santé. Docteur Blumen, est-ce qu'on pourrait évoquer comme ça quelques... Bien sûr. Quelques donc, incidences. Donc, en fait, vous avez deux grandes catégories de complications. La première est liée à une mauvaise qualité de sommeil, c'est-à-dire que si vous vous réveillez fréquemment et que vous n'arrivez pas à compenser, vous êtes somnolent et donc au volant, vous pouvez avoir un accident de la route. Vous pouvez aussi être moins performant. Alors c'est moins, on va dire, dangereux, mais ça altère votre qualité de travail et d'apprentissage. Le deuxième type de complication est lié à la diminution de l'oxygénation dans le sang. Et donc, cette diminution d'oxygénation dans le sang et la remontée va provoquer toute une cascade de processus qui peuvent conduire à des complications cardiovasculaires et au premier rang desquelles on trouve l'hypertension artérielle. Mais aussi, vous avez des infarctus, vous avez le cœur qui peut s'emballer ou qui peut ralentir. Vous avez aussi des problèmes d'accidents vasculaires cérébraux qui peuvent être liés. Puis d'autres pathologies qui gravitent autour et dont on ne sait pas exactement si ce sont des associations fortes ou si ce sont des conséquences. Vous avez la résistance à l'insuline, le diabète et prise de poids. Et deuxième chose, au niveau des yeux, il peut y avoir ce qu'on appelle le glaucome. Donc le glaucome, c'est une anomalie de vascularisation de la tête du nerf optique qui fait que le champ visuel se rétrécit et qui peut mener à terme à la cécité. Et donc les ophtalmologistes savent maintenant que quand on a un glaucome ou une suspicion de glaucome qui résiste au traitement, peuvent rechercher la présence d'apnée du sommeil. Troubles du rythme cardiaque, hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral de type 2. C'est joyeux comme tableau, hein. Ça fait 3 ans, docteur Blumen, que je suis appareillé, donc avec cette machine qui m'envoie de l'air dans le nez. Moi, je sens une nette amélioration quand même. Je suis passé de 50 apnées, en gros, à parfois 3, 5, 7, on va dire, apnées par heure. Donc, je me sens quand même beaucoup plus reposé. J'ai moins de phases d'endormissement dans la journée, même si de temps en temps, quand même, j'ai besoin de faire une petite sieste pour me reposer après le déjeuner. Mais ça va nettement mieux. J'ai aussi perdu du poids. Je suis passé de 77 kilos à aujourd'hui 10 kilos de moins, 67. Est-ce qu'on peut imaginer éventuellement que je puisse à terme me débarrasser de cette machine qui est quand même un peu encombrante, même notamment à chaque fois que je dois me déplacer en province, à l'étranger, ou etc. Bah, je suis obligé de l'avoir toujours avec moi. C'est pas évident, quoi. Ce qui pourrait être vraiment très intéressant, c'est d'arrêter la machine pendant une semaine, voir comment vous vous sentez, faire un enregistrement pour voir si il vous reste des apnées. Il doit vous en rester, mais sans doute moins qu'au départ, et en fonction de ces résultats, vous proposez différentes options thérapeutiques, et on choisira ensemble l'option thérapeutique adaptée à votre cas. Et puis, la dernière option, c'est, mais ça sera pas naturel, c'est la chirurgie. Donc, il existe différents types de chirurgies qui peuvent rendre un apnéique non apnéique. Alors, il y a deux chirurgies qui marchent très très bien, c'est l'ablation des amygdales, et c'est une chirurgie, pour les gens comme vous par exemple, qui ont les os du visage un peu en arrière, de les avancer. Et donc ça s'appelle une avancée bimaxillaire, donc forcément on modifie le profil, mais on élargit la boîte qui permet d'avoir plus de place à l'intérieur et donc de respirer normalement. Et donc ça c'est une opération qui nécessite de l'orthodontie, qui nécessite une préparation psychologique aussi parce qu'on change de profil. Néanmoins, c'est une intervention qui marche très très bien dans un certain cadre et qui peut être proposée à des gens qui ne supportent plus rien et qui sont plutôt jeunes, en dessous de 60 ans, et qui ont un profil avec notamment la mâchoire du bas qui est nettement en arrière. Si vous êtes d'accord, j'envisagerais cette option après la série documentaire. On n'aviez pas parlé jusqu'à présent. Voir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit,